katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunasalimu banduku badada. Nous saluons des frères et des sœurs. Alebe kwa ligne biko natufata à partir internet Mungu ababariki sana. Qui nous suivent en ligne, que Dieu les bénisse richement. Bila kukawia tashimama tupate kuheshimia sauti ya Mungu. Sans tarder, levez-vous pour honorer la parole de Dieu. Na niko nalomba Mungu. Et je vais prier. Baba mara ingine, tunakukaribia katika jina la Yesu Kristo. Père, encore une fois, nous nous approchons de vous au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunaamini kusema mbingu na dunia itapita, lakini sauti yako itapita kamwe. Nous croyons que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Bariki mkusaniko ya mangaribi ya siku ya leo. Béni la réunion d'aujourd'hui. Nema yako ikuwe pamoja nasi. Que ta grâce nous accompagne. Seigneur, utulurishe mu mapenzi yako. Seigneur, retourne-nous dans ta volonté. Tosha kiburi ndani mwetu. Ote l'orgueil à nous. Tupachie unyenyekevu. Donne-nous l'humilité. Biblia inasema we Mungu uko na shindana na benye kwa na kiburi. Parce que la Bible dit que toi Dieu tu résistes aux orgueilleux. Lakini banyenyekevu unabafanshiaka nema. Mais tu fais grâce aux humbles. Kwanze pamoja nasi. Commence avec nous. Umalize pamoja nasi. Et termine avec nous. Bagonjwa bapoke matunzo katika jina la Yesu Kristo. Que les malades reçoivent la guérison au nom du Seigneur Jésus Christ. Benye kwa na tatizo tabu jibu niwe Yesu Kristo. Ceux qui ont des difficultés, la solution c'est toi Seigneur Jésus Christ. Washote banajikusanya siku ya leo mujina lako Bwana upate kubariki vile vile. Et partout ils se réunissent en ton nom que tu sois au milieu d'eux. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. C'est au nom du Seigneur Jésus Christ. Tunalomba na kusema vile. Nous avons ainsi prié. Amen. Amina. Kitabu yetu ya kila siku ni Jude verset 3. Notre livre habituel c'est Jude verset 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Wapendwa, paka vile nalitamani sana kumiandikia kwenye kuelekea wokovu yetu sisi wote pamoja. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nalazimisha nipate kuifanya juu ya kumisubutisha kupika vita kwa ajili ya imani ile iletwa kwa watakatifu mara moja tu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Mungu abariki usomi wa neno lake. Hier nous avons commencé un sujet intitulé combattre ardemment. Jana turanza shina ya mahubiri yetu yenye kuitwa kupika vita na nguvu yote. Se combattre pour la foi. Manake ni kukombania imani. Bien-aimés, nous vivons dans les jours qui précèdent le retour du Seigneur. Wapendwa, tukunaishi mwakati ile natangulia kurudi kwa Bwana. Pour l'église, nous vivons les jours glorieux parce que l'église se prépare. Juu ya kanisa, tukunaishi mumasiku ya utukufu kwani kanisa inajitayarisha. C'est-à-dire nous vivons la préparation de l'église épouse. Manake tukunaishi mumatayarisho ya kanisa bibi ya rusi. Et nous avons dit que nos réunions sont une partie de la vie de tout un vrai enfant de Dieu. Na tulisema ya kwamba mamikusaniko nayo ni sehemu ya maisha ya kila mwaminifu wote wa kweli. Parce que la parole de Dieu, kwani neno la Mungu, fait partie de notre vie sur cette terre. Ni sehemu ya maisha yetu hapa pa dunia. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre sans Dieu, sans parole sur cette terre. C'est pratiquement impossible. Mtoto wa Mungu wa kweli hawezi kuishi bila Mungu, bila neno la Mungu hapa pa dunia haiwezekani. Parce que la parole de Dieu, c'est notre bouclier. Kwani neno la Mungu ndio ngabo yetu. La parole de Dieu nous protège. Neno la Mungu iko na tukinga. Une chose qui nous console sur cette terre. Kama kitu kile kinatufariji hapa pa dunia. Pour nous, c'est la parole. Wetu sisi ni neno la Mungu. Ce n'est pas ce que nous voyons. Aina ile tukunaona. Les gens de ce monde. Batu ba hii dunia. Ils sont consolés par la mondanité. Wanafarijiwa na kidunia. Par l'ambiance de ce monde. Na furaha ya padunia. Par la cigarette. Na matumbako. La boisson. Na pombe. La prostitution. Na mukaba. Mais nous nous sommes consolés par la parole. Alakini sisi tunafarijiwa na neno la Mungu. Amen. Amina. Nous devons entrer et rester dans les programmes du Seigneur. Tunapashi kuingia na kubakia mumapu ya Bwana. Parce que même ce soir, Dieu a son plan. Kwani hata mangaribi ya leo, Mungu eko na mapu yake. Il a son programme. Eko na mapu yake. Nous sommes censés rester dans les programmes du Seigneur. Sisi tunastahili kubakia mumapu ya Bwana. N'allez pas en dehors de son programme. Musiende inje ya mapu yake. Parce que la Bible nous dit, wani, Biblia natuambia, Dieu ne fait pas exception de personne. Mungu asifanye ubaguzi ya mtu. En toute nation, mataifa yote, en toute langue, maruga yote, en toute tribu, makabila yote, celui qui fait sa volonté, ula anafanya mapenzi yake, lui est agréable. Anamupendeza Mungu. Nous sommes agréables tukuba kupendeza, si nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur. Kama tuko katika mapenzi kamilifu ya Bwana. Deutéronome chapitre 10 verset 34. Kumbukumbu la Torati sura 10 mstari wa 34. Deutéronome chapitre 10. Kumbukumbu la Torati sura ya 10. Lisons au verset 17. Mstari ya 17. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux. Kwani wa milele Mungu wenu yeye ni Mungu wa miungu. Il est le Seigneur des seigneurs. Yeye ni Bwana wa mabwana. Le Dieu grand. Mungu mkubwa. Fort et terrible. Wa nguvu na wa kongopesha. Il ne fait point exception de personne. Yeye asifanye ubaguzi ya watu. Et il ne reçoit point de présent. Yeye hawezi kamwe kumkata midomo. Acte des apôtres chapitre 10. Matendo ya mitume sura yake ya 10. Le Seigneur ne reçoit pas de présent. Bwana wetu hawezi kamwe kukata midomo. Lui, celui qui fait sa volonté, yeye ula anafanya mapenzi yake, lui est agréable. Jo wa kumupendeza. Vous pouvez corrompre à l'hôpital. Unaweza kukata midomo kwa hospitali. Vous pouvez corrompre à l'université. Unaweza kukata midomo kwa université. Vous pouvez corrompre à la députation. Unaweza kukata midomo juu pate kwa député. Vous pouvez corrompre à la présidence. Unaweza kukata midomo juu kwa président. Mais au ciel, pas de corruption. Na lakini kumbingwa unaweza kukata midomo. Celui qui fait la volonté du Seigneur. Ule wanafanya mapenzi ya Bwana. Est agréable à Dieu. Ule njoo anampendeza. Là, on ne doit pas corrompre. Acte des apôtres chapitre 10 verset 34. Matendo ya mitume sura 10 mstari wa 34. Alors Pierre ouvra la bouche et dit. Basi Petro akafungula kinywa na kusema. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Kweli kweli mimi najua natambua ya kwamba Mungu afanyake ubaguzi ya mtu. Mais quand toute nation, c'est lui qui craint. Il est craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Alakini mataifa yote ula na muogopa na kutenda uwaki anamupendeza yeye Mungu. Amen. Amena. Devons le craindre. Tunapaswa kumuogopa Mungu. Et pratiquer sa justice. Na kutenda uwaki yake Mungu. Sa justice, c'est la parole. Uwaki ya Mungu ni neno lake. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Quand vous l'appliquez. Wakati unaitumikisha. C'est ça la justice du Seigneur. Ile njo ya uwaki ya Bwana. Faut pas seulement louer la parole. Hapana tupaka kusifu neno. Nous devons croire la parole. Lakini inapaswa kuamini neno. Et mettre la parole de Dieu en pratique. Na kutumikisha neno la Mungu. C'est ce qui nous servira. Ile njo tatusaidia. Et nous qui la prêchons, na sisi wenye kuyubili, et vous qui écoutez, na mweye benye kusikia, ce qui est très important, ya mafazaidi, ce n'est pas seulement prêcher, aina kubili ce n'est pas seulement écouter, aina kusikia mais tu. Prêcher et mettre la parole de Dieu en pratique. Alakini ni kutumikisha neno la Mungu. Écoutez, c'est bien, kusikia ni mzuri, mais ce qui est très important, ya mzuri zaidi, c'est garder cette parole ni kuchunga ineno, et la mettre en pratique. Na kuitumikia. C'est ce qui compte. Il enjoy ya mafa. Un jour le Seigneur prêchait. Siku moja Bwana alikuwa anahubiri. Une femme éleva une cri très forte. Mwanamke moya kapika kelele ya nguvu. C'est dans Luc chapitre 11 verset 26. Ni Muluka sura 11. Tandis que Jésus parlait ainsi, wakati ile Yesu alisema hivi, une femme élevait la voix du milieu de la foule. Mwanamke moya kapasa sauti yake katika kundi na kumwambia, Ere le sein qui t'a porté. Ibarikiwe maziwa ile. Ere le mamelles qui t'ont allaité. Ibarikiwe maziwa ile. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Sasa msikie jibu ya Bwana. Jésus a répondu. Yesu akajibu. Ere plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Anakini benye kubarikiwa ni bale wanasikia neno la Mungu na kuichunga. Amen. Amen. Nous sommes heureux. Tuko baheri. Si nous gardons sa parole kama tunachunga neno lake et nous la mettons en pratique na kuitumikisha. Nous avons beaucoup de promesses. Tukuna malako mingi. C'est que le Seigneur nous demande ce soir. Ile Bwana atatuomba magharibi ya leo. Persévérer dans la parole de Dieu. Mupate kudumu ndani ya neno la Mungu. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Msiangalie wala kuume wala kushoto. Persévérer. Mudumu. La victoire est certaine. Ushindi ni uhakika. Si nous sommes dans la parole. Kama tuko ndani ya neno. Regardez Israël. Tazameni Israeli. Il était en cours. De route, alikuwa munjia. Il était au désert, alikuwa mujangwa. Mais le Seigneur lui donne déjà le pays. Lakini Bwana anatangulia kumpatia inchi. Mais lui était encore au désert, yeye alikuwa angaliki mujangwa. Il était en cours de route, alikuwa munjia. Mais le Seigneur lui fait une promesse, Bwana anampatia malako. Et lui donne directement le pays, na pale pale anampatia na inchi. Et lui exhorte, na anamusubutisha. Il dit fortifie-toi, akamwambia uritie. Le pays là, il est inchile. Je t'ai déjà accordé. Mais toi, il ne faut pas être effrayé. Allez de l'avant. Amen. Amen. Nous aussi ce soir, Nasisi le Seigneur a déjà disposé son royaume à notre faveur. Amen. Amen. Il a déjà disposé son royaume à notre faveur. Anesha kututayarishia ufalme wake. Pas seulement cela. Haina paka il nous a déjà rapproché à son salut. Anesha nakutukaribisha ku wokovu yake. Ce soir, mangaribi ya leo, mon frère, ma sœur, ndugu yangu na dada yangu, croyons que nous sommes déjà sauvés. Tuamini ya kwamba tumeshaokolewa. Persévérez seulement. Mudumu tu. Luc chapitre 22 verset 29. Luka makumi mbili na mbili makumi mbili na tisa. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Musikie kile Bwana anatuambia hapa. Luc chapitre 22. Luka sura makumi mbili na mbili. Nous lisons son verset 29. Tunasoma mstari makumi mbili na tisa. C'est pourquoi je dispose du royaume. Je kwa maana mimi natayarisha ufalme. C'est pourquoi je dispose du royaume à votre faveur. Je kwa maana mimi nisho mitayarishia ufalme mwenye. Comme mon père en a disposé à ma faveur. Akavile baba yangu alinitarishia yo mimi. Ephésiens chapitre 2 verset 12. Wa Efeso sura 2 mstari ya 12. Nous lisons ceci au verset 12. Tunasoma hivi mstari ya 12. Commençons verset 11. Kazio mstari ya 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, tukomana mweye samani mulikuwa mapagano mumwili. Appelé circoncis, venye kuitwa basipo kutairiwa, parce qu'on appelle circoncis, wabale manaitiwa wenye kutairiwa, et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme, venye kutairiwa mumwili kupitia mukono ya mutu. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, mukumbuke ya kwamba mulikuwa mwili wakati bila kuwa na Kristo, privé du droit de cité en Israël, amukwena rusa ya kuitiwa batoto ya Israeli, étrangère aux alliances de la promesse, mulikuwa bakeni kuma alako ya kwa maagano ya malako, sans espérance, bila kuwa na tumaini, et sans Dieu dans le monde, na mukwena Mungu mudunia. Écoutez maintenant au verset 13. Sasa mstari ya 13. Mais maintenant, lakini hapa sasa, en Jésus Christ, ndani ya Yesu Kristo, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mulikaribishwa kupitia damu ya Kristo. C'est-à-dire le Seigneur a déjà disposé son royaume à notre faveur. Manake Bwana anesha kututayarisha ufalme wake. Kama mtu ashingie mo ni yepeke. Si quelqu'un ni entre pas. Mais le Seigneur par sa grâce. Bwana kwa neema yake. Il a déjà disposé son royaume. Anesha utayarisha ufalme wake. À chaque frère et sœur. Wa kila nduku na kila dada. C'est à nous seulement d'avoir le courage. Ni kwetu tu tukue na hodari. Et d'y entrer. Na tupate kuingia mo. Amen. Amina. Et même par la foi. Nous croyons ce soir. Que nous sommes les enfants du royaume. Et le Seigneur a déjà disposé son royaume à notre faveur. Et il nous a déjà rapprochés à son salut. Par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Deutéronome chapitre 1er. Verset 21. Mustari ya makumi mbili na moja. Il dit, vois. Anasema tazama. L'Éternel ton Dieu. Wa milele Mungu wako. Met le pays devant toi. Anaweka inchi mbele yako. Monte. Upande. Prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel. Le Dieu de tes pères. Mais ne crains point. Et ne t'effraie point. Amen. Amina. Le Seigneur a déjà disposé son royaume à notre faveur. Maintenant vous mon frère, ma sœur, ne crains point. Ne regardez pas l'échec. Ne regardez pas à tout ce qui peut arriver. Ne regardez pas aux démons. Vous avancez seulement. Prenez seulement courage. Notre ennemi, il a été déjà vaincu ce jour-là à la croix de Golgotha. Banesha kumushinda ile siku kumusalaba. Amen. Amen. Au verset 29. Mstari makumi mbili na tisa. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. Namiambia musisikie oga. Et n'ayez pas peur d'eux. Musiba ogope. L'Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, oui au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté. Mule uliona kwamba wa milele Mungu wako alikuchugua. Apporte comme un homme porte son fils. Alikubeba sawa vile mtu anabeba kama mtoto yake. Pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Munjia yote ile mlitembea kufika na paifazi. Quand nous marchons, wakati tuko natembea. Mon frère, ma sœur, ndugu yangu na dada yangu. Croyons que nous ne sommes pas seuls. Tuamini ya kwamba tuna peke yetu. Nous avons la parole. Tuko na neno la Mungu. Nous avons le Saint-Esprit. Tuko na Roho Mtakatifu. Qui nous conduit. Yenye kutuongoza. Qui nous dirige. Inatuongoza. Et l'ange de l'Éternel. Na malaika wa milele. Campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Anapika kampi pembeni ya bale bote banamuogopa Mungu. Seulement allez de l'avant. Anakini musonge tu mbele. Ne regardez pas en arrière. Usiangalie nyuma. Ne regardez pas le monde. Dunia. Le monde passe. Pita. Et sa convoitise passe. Yake mais pita. C'est lui qui craint Dieu. Demeure éternellement. Ye, dumu milele. Amen. Amina. Dans ce voyage ici. Mui safari, mon frère, ma sœur, si vous vous sentez fatigué, demandez la force à l'Éternel. Dans ce voyage ici, safari, vous perdez la joie du salut, confiez-vous à l'Éternel. Dans ce voyage ici, safari, vous vous sentez être rétrograde, regardez seulement à la croix, le Seigneur vous aidera. Mungu, je peux d'attendre mon tumeur à poter. mpaka aucun anapenda shimo zetu tufike mkipimo ya kutubu na kutambua mapenzi yake découvrir sa volonté. Amen. Amen. Ne manquez pas à écouter la parole. Usikose kama kusikia neno la parole de Dieu, c'est une chose qui a beaucoup d'importance pour l'église. Neno la Mungu ni kitu chenye kwa na mafaka kabisa juu ya kanisa. C'est que nous avons vu. Jo ile tuliona jana. Ne prenez pas la parole comme une chose sans importance. Musichugue neno la Mungu sawa kitu ya sipo kwa na mafaka. Mais c'est votre vie. Alakini njo bujima bwenu. Amen. Amen. Nous devons affermir notre vocation. Tunapashi kutia nguvu mumwito yetu. Devons affermir notre vocation et l'élection. Tunapashi kutia nguvu mwito yetu na kuchaguliwa kwetu. Ça signifie quoi? Maana yake nini? Si réellement mon frère, ma sœur, kama hakika ndugu yangu na dada yangu, Dieu t'a appelé, Mungu ndiye alikuita, Dieu t'a choisi, Mungu alikuchagua, vous aussi, na weye, par votre vie, kupitia maisha yako, vous devez manifester que réellement je suis un enfant de Dieu. Tunapashi kuonesha hakika ya kwamba uko mtoto wa Mungu. Dans cette cité de Kambove, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens. Dieu peut être des moyens. Dans votre famille. Mais le Seigneur, lui, t'a vu toi. Et il t'a choisi. Vous aussi, à votre tour, vous devez affermir votre vocation et votre élection. C'est-à-dire, vous devez prouver au monde que je suis un élu. Amen. Amen. Par votre vie. Kupitia maisha yako. Deutéronome chapitre 28. Kumbukumbu la Torati sura makumi mbili na munani. Verset 9. Musari ya tisa, ya kenda. Nous lisons ceci au verset 9. Tunasoma hivi musari ya kenda. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Utakuwa kwa ajili ya wamilele taifa takatifu. Comme il te l'a juré. Paka vila alikula pia yo. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Wakati ilo tachunga amri ya wamilele Mungu wako. Et que tu marcheras dans ses voies. Na wakati ilo tatembea manjia yake. Tous les peuples verront que tu es appelé des noms de l'Éternel. Watu wote wataona ya kwamba uliitiwa na jina la Mungu. Et ils te craindront. Na watakuogopa. Amen. Amen. Si tu marches dans la sainteté, kama unatembea katika utakatifu, si tu marches en observant la parole du Seigneur, kama unatembea mkuchunga, la Bible est claire que tous les peuples verront que tu es un appelé de l'Éternel. Tout le monde verront que tu portes le nom du Seigneur. Watu wote wataona ya kwamba unachukua jina la Bwana. Ne porte pas le nom de l'Éternel en vain. Usichukue jina la wa milele bule bule. Oh, je suis chrétien. Oh, dico mon Christ. Mais tu ne vis pas la parole. Lakini awishi neno la Mungu. Tous les démons te craindront. Mademona yote takuogopa. Amen. Amina. Si vous croyez à la parole, kama unaamini neno la Mungu, les dieux que nous vous prêchons, huyu Mungu tunamhubiri, il est capable de tout. Eko na uwezo ya kufanya yote. Il vous sauve, anakokoa, et puis il vous délivre. Kisha anakukomboa. Il vous délivre de tous les démons. Anakufanya kwa huru mbele ya mademona yote. Amen. Amina. Pas seulement il vous délivre de tous les démons, asukombole tu bula pana, il enlève même les désirs du péché en toi. Eko na ondosha ta kiu ya zambi ndani yako. Duku. On ne pêche pas parce que nous sommes en présence des hommes de Dieu. Atutendake zambi juu tukumbele ya watumishi ya Mungu hapana. On ne s'abstient pas parce qu'il y a des frères. Atujizuize juu kuku banduku hapana. Mais parce que le Seigneur ni juu Bwana nous a déjà délivré et il a déjà enlevé les désirs même du péché en nous. On fumait, on buvait, mais aujourd'hui, le Seigneur a déjà enlevé tous ces désirs-là. C'est ça la délivrance. Amen. Amen. Nous devons expérimenter la délivrance. Tunapashi kuonja ukombozi. Celui qui est des yeux ne pêche pas. Ule mwenye kwa wa Mungu atendake zambi. Celui qui est des yeux n'a pas besoin de pécher. mwenye kuwa wa Mungu ashitaji kutenda zambi. En lui il a le trône de jugement. Dani yake kuna kiti ya hukumu. Et le Saint-Esprit le conduit. Na Roho Mtakatifu kuna muongoza. Nous sommes un peuple mis à part. Tuko taifa yenye kwa pembenye kwa chana. Un peuple différent. Taifa yenye kwa chana na bengine. Un peuple qui attend l'enlèvement de l'époux. Taifa yenye kuchunga kunyanyuliwa kwa bibi. Nous sommes un peuple particulier. Tuko taifa ya upekee. Avec un message particulier. Na ujumbe ya upekee. Avec un message puissant. Na ujumbe ya uwezo. Et nous croyons. Na tunaamini. Que ce soir. Ya kwamba magharibi. Dieu est avec nous. Mungu yuko pamoja nasi. Regardez les bien-aimés. Tazameni wapendwa. Quand Dieu envoie un prophète. Wakati Mungu anatuma nabii. Et Dieu envoie ce prophète là avec un message. Na Mungu anatuma na ule nabii na ujumbe. Souvent les gens négligent cela. Kila mara watu wanasulaka hili. Mais les élus, qui ont les yeux ouverts, ils observent la parole du Seigneur. Du temps de Noé, Noah, il fallait suivre ce que Noé proclamait. Il passe kufuata paka kile Noah alikuwa anatangaza. Refuser le message de Noé, ukatala ujumbe ya Noah, c'est le jugement. Ilikuwa ni hukumu. Il fallait seulement suivre Noé. Il passe kumufuata paka Noah. Et quand Dieu proclame son message, wakati Mungu anatangaza ujumbe yake, automatiquement les autres messages deviennent sans valeur. Pale pale ima ujumbe ingine haina na faida. Quand Dieu proclame son message, wakati Mungu anatangaza ujumbe yake, automatiquement les autres messages deviennent sans importance. Pale pale ima ujumbe ingine haina tena na faida. Ça n'a plus d'importance. Nous allons le prouver par la parole. Au temps de Noé, Noé, il fallait suivre Noé. Refuser Noé, Noé, c'est le jugement. Marake ni hukumu. Au temps de Jean-Baptiste, wakati ya Yohana Mbatizaji, il fallait suivre Jean-Baptiste. Il passe pour faire paka Yohana Mbatizaji. Refuser Jean-Baptiste, mukatala Yohana Mbatizaji, c'est se déclasser dans les plans du Seigneur. Marake ni kujitosha mumapu ya Bwana. Luc chapitre 7. Luka sura yake ya 7. Nous devons combattre ardemment pour la foi. Vita nguvu juu ya imani. Et la foi dans ce que Dieu dit. Na imani mwile Mungu yuko nasema. La foi qui provient aux Écritures. Imani ya kutokea kumandiko. Luc chapitre 7. Luka sura yake ya 7. La Bible nous dit ceci au verset 28. Mustari makumi mbili na munane. Je vous l'ai dit. Na miambia. Parmi ceux qui sont nés de femmes. Katikati ya benye kuzaliwa na mwanamke. Il n'y a point de plus grand que Jean. Hakuna mkubwa kushindia Yohane. Cependant le plus petit dans le royaume de Dieu. Japo mudogo mfalme ya Mungu. Est plus grand que lui. Ni mkubwa kumushindia yeye. Et tous les peuples qui l'ont entendu. Na watu wote wale walimsikia. Et même les publicains. Na watoza kodi. Oh, justifié Dieu. Walimuhesabia kimungu. En se faisant baptisé du baptême de Jean. Au verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi en ne se faisant pas baptiser par lui ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Malgré ce qu'il était, malgré son régime alimentaire, il mangeait du miel et des sauterelles. Il ne se vêtissait pas de vestes comme nous les portons. Il se vêtissait de peau de bête. Malgré cela, il fallait toujours les suivre. Refuser de les suivre, c'est se déclasser dans les plans du Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Maintenant regardez. Lui Jean qui connaissait les Écritures. Quand il a vu le Seigneur approcher aux eaux de Jourdain, le Seigneur lui a dit, alimwambia, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Ule yulu yake utaona roho ya Mungu kushuka sawa njiwa. C'est celui qui baptise de l'Esprit et de feu. Jo ule kuna batizana na roho na moto. Et quand Jean a vu le Seigneur descendre aux Jourdains, wakati Yohana alimuona Bwana kushuka maji ya batizo, il a vu sexuellement comme le Seigneur lui a dit, aliona paka vile Bwana alimuoneshaka, il a vu l'esprit du Seigneur, aliona roho ya Bwana qui descend yenye kushuka sur Jésus-Christ, mwili ya Yesu Kristo, sous forme d'une colombe, mwali ya njiwa, et Jean a témoigné cela, na Yohane alishuhudia ile. Amen. Amen. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il a déclaré ce jour-là que désormais, moi je vais diminuer et lui doit croître. Amen. Amen. Dieu ne travaille pas avec le parallélisme, non. Mungu ashitumikake na bintu mbili hapana, bantu mbili hapana. Ici au tabernacle, umumumuekalu, nous préparons les pieds, tunatayarisha miguu, dans l'église méthodiste, mkanisa, on prépare la main, na mungu anatayarisha mkono, et quelque part encore, pazingine, on prépare les genoux, manatayarisha magoti, ce n'est pas ça. Aina vile. Alléluia. Amina. L'église épouse kanisa bibi arusi est préparée à un seul endroit, papa zimoja, là où il y a la parole pale peko neno la Mungu. Et la Bible nous dit, la Bible là où sera le corps, pale patako, là où s'assembleront les aigles, pale patako, tout le monde sera là-bas. Bote, pale. Refuser cet endroit, c'est le jugement. Ni hukumu. Amen. Amina. Nous devons marcher avec la crainte du Seigneur. Si mon frère, ma sœur, vous vous sentez fatigué, demandez la force ce soir à l'Éternel. Esaïe chapitre 40. Nous lisons ceci au verset 40. Chapitre 40, verset 28. Sura makumine, mustari ya makumine, ne laissez-y pas, etia uijue, ne l'a-t-il pas appris, etia ku, au kujulishwe, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Ni Mungu wa milele ule aliumba mipaka ya dunia. Il ne se fatigue point. Ye yashichokake kamwe. Il ne se lasse point. Ashilekea ke kamwe. On ne peut sonder son intelligence. Awezi kamwe kuchunguza akili yake. Il donne la force à celui qui est fatigué. Analetaka nguvu kwa ule anachoka. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ebonongeza nguvu kwa ule konalekea. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Batoto banachoka na kulekea. Et les jeunes hommes chancellent. Nababiana wanapemba. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, lakini bale banamtumainia wa milele, renouvellent leur force. Banafanya nguvu yao kwa mupya. Ils prennent le vol comme les aigles. Banaruga. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Amen. Amina. Si vous vous sentez rétrogradé, confiez-vous à l'Éternel. Le Seigneur vient bientôt. Il vient prendre une église sans tache. Une église pure. Amen. Amina. Il vient prendre une église qui marche selon sa volonté. Nous vivons au temps du soir. Le Seigneur nous a promis, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Pourquoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mon frère, ma sœur, ce soir, si vous ne les voyez pas, c'est vous qui avez déjà fermé les yeux. Mais si vous ouvrez les yeux, effectivement, vous verrez la main de l'Éternel. Si vous ouvrez les yeux, mon frère, ma sœur, vous verrez la main de l'Éternel. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. La foi que nous avons, c'est à partir de la parole. Ni kwanzia kwa neno la Mungu. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Ni Mungu alitupatia. Si le Dieu peut nous donner le Saint-Esprit, et les choses de ce monde, sasa binti wa mdunia, croyez seulement, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes les autres choses viendront par-dessus. Faut pas être distrait à cause de ce monde. Amen. Amina. Nous vivons au temps du soir. Le Seigneur a dit, alisema, ça sera un jour unique, un jour connu de l'Éternel. Siku moja tu yenye kujulikana na wa milele. Un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Siku ile haitakuwa wala mchana wala usiku. Mais vers le soir, lakini kumangaribi, la lumière paraîtra. Nuru itaonekana. Le message étant de la fin, ujumbe wakati ya mangaribi, c'est ça la lumière du soir. Jo nuru ya mangaribi. Amen. Amina. Un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Siku ile haitakuwa wala mchana wala usiku. Nous vivons au jour de la confusion. Tukunaishi wakati ya mvuruko. Au jour où il y a beaucoup de troubles. Masiku ile Mungu mvuruko. Parfois même la vérité est calomniée. Kazi nyingine hata ukweli banaisingizia. Lakini le prophète nous a dit. Nabii alituambia. Ce message ici. Ni ujumbe hili. Ne sera jamais une dénomination. Haiwezi kama kuwa zero. C'est pourquoi bien-aimé, restez seulement dans la parole. Vivez la parole. Aimez la parole. Chérissez la parole. Embrassez toujours la parole de Dieu. Nous avons dit qu'au ciel, c'est pour le ciel, c'est pour le vainqueur. Mbingu ni mbingu ya bashindaji. Ndio pa corrompre au ciel. Hawezi ukata kumilomo kule. Hapana. Vivez seulement la parole de Dieu. Muishi tu neno la Mungu. Le ciel c'est notre promesse. Mbingu ni malako yetu. Si quelqu'un vit avec la vie du péché, kama mtu yuko naishi na maisha ya dhambi, il ne doit pas marcher comme il faut avec le Seigneur. Hawezi kutembea sawa sawa na Mungu. Vous pouvez tromper tout le monde. Mais ta propre conscience. Vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Genèse chapitre 4. Marchons dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur sera avec nous. Nous devons expérimenter la parole. Nous devons expérimenter la délivrance. Amen. Genèse chapitre 4. Mwanzo sura yake ya 4. Au verset 5. Commençons au verset 4. C'est l'histoire de Abel et Caïn. Et Abel de son côté en fit une première née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel wa milele alimkubali Abeli et sur son offrande. Na alikubali pia sadaka yake. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Alakini asikumkubali Kaina. Et sur son offrande. Asikubali hata sadaka yake. Caïn fit très irrité. Kaina alishirika kabisa. Et son visage fit abattu. Na uso yake kafunga. Écoutez maintenant les conseils de l'Éternel. Sasa msikie shauri ya wa milele. Au verset 6. Msari ya 6. Et l'Éternel dit à Caïn. Na wa milele akamwambia Kaina. Pourquoi étais-tu irrité? Dieu nini unashirika? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu nini uso yako nafunga? Certainement si tu agis bien. Hakika kama ukitenda mzuri. Tu leveras ton visage. Utalamusha uso yako. Et si tu agis mal. Kama ukitenda mbaya. Le péché se couche à ta porte. Zambi yo ile nalala kumulango yako. Et ses désirs se porteront vers toi. Na matama yake itakufuata wewe. Mais toi domine sur lui. Lakini wewe uitawale. Amen. Amena. Bien aimé, c'est très important. Mapendwa ni ya mafa kabisa. Si tu agis bien, kama ukitenda mzuri, tu leveras ton visage. Utalamusha uso yako mzuri. Mais si tu agis mal, lakini kama ukitenda mbaya, Sidi transgresser la parole. Kama ukivunja neno la Mungu. Si mon frère, ma sœur, vous vivez une vie de péché. Kama ndugu yangu na dada yangu kiishi maisha ya zambi. Le péché se couche à ta porte. Zambi inalala kumulango yako. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Ça signifie que dans ta conscience, inamaanisha ya kwamba muzamiri yako, tu le verras toujours. Utaiona kila mara. Tu pars au travail. Unaenda ukazi. Tout le monde ne voit pas. Bantu bote abaone. Mais toi-même, alakini wewe mwenyewe, tu verras ton péché. Utaona zambi yako ile. Si retourne à la maison. Unarudia kumulango kunyumba. Le péché est toujours là. Zambi kupaka pale. Le péché qui n'est pas confessé. Zambi la utubu. Ne peut pas t'éloigner. Ayesu kukutoka. Écoutez ce que la Bible nous dit. Musikie kile Biblia inatuambia. Ces désirs se porteront toujours vers toi. Nasema matama yayo ikupaka kwako. Il te regarde toujours. Iku nendelea kuangalia. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham atuambia, un péché qui a été mal confessé, zambi ile ulitubu mbaya, vous avez encore mille chances de revenir toujours à ce péché-là. Utakuwa tena na bahati ya wewe kuirudiria ile zambi. Parce que tu n'as pas bien confessé. Tu as kuitubu mzuri. Tu n'as pas bien arrangé. Au kuitengeneza mzuri. C'est le même désir. Ni mania moya. Se porteront toujours vers toi. Ile matama moya moya takufikia et tena. Et Dieu donne le conseil à Caïn. Mungu anampatia Caïn na shauri. Que toi aie courage. Ya kwamba wewe uko na hodari. Domine sur lui. Oui, tawale ile zambi. C'est-à-dire quoi? Manake nini? Abandonne cela. Wache ile zambi. Piétine cela. Oui, kanyange. Domine le péché. Utawale yule ya zambi. Et quand vous confessez les péchés, wakati ilo na tubu zambi, et vous arrangez vos fautes, na kutengeneza mankosa yako, le Seigneur est prêt pour les effacer. Bwana Mungu yuko tayari juu ya kuijimisha. Pas seulement les effacer, na kuijimisha bule, les prendre, na kuibeba, et les jeter dans la mer de l'oubli, na kuitupa mubari ya kusabu. Et cela ne reviendra jamais à la pensée de l'Éternel. Na ile zambi wa milele aste kumbuka tena. Même si tout le monde peut te doiter, ataka mabantu bote banao kutishonda, que Dieu l'a fait ça, mais devant Dieu, lakini mbele ya Mungu, il est saint et sauf. Mungu mutakatifu akutende kitu. Psaume chapitre 51. Zaburi sura makumi tano na moja. Ça c'est la confession de David. Hii ni kukiri wala kutubu kwa Daudi. Commençons verset 3. Tanzio mstari ya tatu. Oh Dieu, oh, aie pitié de moi. Oh Mungu unishikirie buluma. Dans ta bonté. Mwema yako. Selon ta grande miséricorde. Ufuatana na rema yako munene. Efface mes transgressions. Ujime mazambi yangu. Lave-moi complètement de mon iniquité. Uninawishe kabisa kabisa kutoka muovu yangu. Et purifie-moi de mon péché. Na unisafishe zambi yangu. Car je reconnais mes transgressions. Kwani minatambua zambi yangu. Et mon péché constamment devant moi. Na zambi yangu iku kila mara mbele yangu. Voyez, il le voyait toujours. Alikuwa anaendelea kuiona. Malgré tout ce qu'il pouvait faire. Hata vile vyote alifanya. Il voyait son péché qui est constamment devant lui. Aranza kuendelea kuona zambi yake ilikuwa kila mara mbele yake. Amen. Amen. Partout où il passait, David voyait son péché qui le suivait. Daudi alikuwa anaona zambi yake ile ilikuwa inamfuata. Il dit, mon péché constamment devant moi. Zambi yangu iko kila mara mbele yangu. J'ai péché contre toi seul. Nalikutendea wewe Mungu zambi. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Na mimi tenda vibaya mbele ya macho yako. Au verset 12. Mstari ya 12. Au verset 12, commençons d'abord au verset 18. Si tu es voulu des sacrifices, kama ulipenda masadaka, je t'en aurais offert. Miri pashu kutolea yo. Mais il ne prend point plaisir aux holocaustes. Alakini wewe haufurahiki yake mazabihu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Masadaka ya kumpendeza Mungu. C'est un esprit brisé. Ni roho ya kuvunjika. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Oh wa milele wewe haubeule moyo ya kuvunjika na yeye kuugua. On ne doit pas donner à Dieu des sacrifices pour les péchés. Hawezi kumtolea Mungu masadaka juu ya dhambi, hapana. Il n'y a pas de sacrifice. Hakuikalake sadaka ya dhambi. Il n'y a pas de don pour les corrompre. Hakuikalake mazawadi juu mukate milomo juu ya dhambi. La seule façon namna tu moya pour terminer les péchés, juu ya kumaliza dhambi, c'est la confession. Ni kutubu, kutubu. Avec un cœur de tristesse. Na moyo ya uzuni. Un cœur brisé. Moyo yenye kuvunjika. Devant le Seigneur. Mbele ya Bwana. Et vous le promettez. Na unamulaka. Seigneur, aide-moi. Bwana unisaidie. Frère, commettre les péchés. Duku kutenda zambi. C'est trop léger. Biku teketeke. Mais la confession. Alakini kuitubu. C'est réservé seulement aux enfants de Dieu. Nipaka tu ya batoto ya Mungu. Parce que ce sont des tonnages et des tonnages pour confesser. Juni matone na matone ya bujito juu ya kutubu. C'est pourquoi celui qui est de Dieu ne pêche pas. Parce que ça pèse. Commettre c'est trop léger. Mais la confession devient trop lourde. Les mêmes péchés que vous avez commis avec une joie, pour les confesser, ça devient des tonnes et des tonnes. Inakwaya bujito matone na matone ya kilo. Vous pouvez parler à mal de votre frère. Vous pouvez parler à mal de votre sœur. Mais pour aller arranger, ce n'est pas facile. C'est pourquoi celui qui est dédié ne pêche pas. Marchons dans la sainteté. Le Seigneur vient bientôt. Ce soir, si vous voulez que vos péchés ne soient pas révélés de l'autre côté, toi-même révèle-les ce soir ici. À l'Éternel, demande pardon et prends la décision d'abandonner. Parce que la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Amina. Dieu est prêt pour nous pardonner. Mungu yuko tayari juu ya kuturumia. Il a dit vos péchés même s'ils sont rouges comme de la cramoisie. Alisema mazambi yenu hata ikikuwa mwekundu sana sawa. Ils deviendront blanches comme la neige. Itakuwa mweupe sawa teluji. Ce jour-là à la croix. Ile siku kumusalaba. Il a crié. Alilalamika. Tout est accompli. Ya kwamba yote natimilika. Il a payé le prix pour nos péchés. Alilipa bei juu ya dhambi yetu. Quelle sorte de péché? Mazambi gani? Les péchés d'hier. Dhambi ya jana. Les péchés d'aujourd'hui. Dhambi ya leo. Les péchés de demain. Na dhambi ya kesho. Tout. Yote. Le Seigneur a déjà payé le prix. Bwana anesha kuilipa bei. Amen. Amena. Marchons dans la pureté de la parole. Tutembe katika usafi ya neno. Marchons dans la foi. Tutembe katika imani. La foi n'est pas aveugle. Imani yo haina kipofu. La foi ne marche pas avec l'ignorance. Imani atembe yake na kukosa kujua. Mais la foi marche avec la révélation. Lakini imani inatembea pamoja na ufunuo. Le Dieu que nous vous prêchons. Mungu ule tukuna miubiri. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada yangu. Il est capable de tout. Eko na uwezo yote. Le Dieu que nous vous prêchons. Mungu ule tuna miubiri. Il est capable. Eko na uwezo. De chasser les démons en toi. Na kufukuza mademo na et enlever tous les désirs du péché. Na kuondosha hamu yote ya dhambi. Amen. Amen. Ceux qui entreront ce jour-là, bale batangia ile siku, ce sont tous ceux qui vivent dans la pureté de la parole, ni bale beko naishi katika usafi ya neno, qui sont prêts dans la parole, venye kwa tayari ndani ya neno, qui attendent le Seigneur, bale beko na mchunga Bwana, et qui aiment son avènement, na venye kupenda kuya kwake, parce qu'il y a des couronnes, kwani kuku mataji, que le Seigneur nous a déjà réservé, ye Bwana anatuchungia. C'est pourquoi bien aimé, Bwana Baba, ne regardez pas au monde, mushangalie mudunia, ne soyez pas attirés par la mondanité, mushivutwe na kidunia, mais soyons attirés par la parole de Dieu, lakini tuvutwe na neno la Mungu. Même la guérison, Dieu est capable de nous guérir de toutes les maladies. Regardez les centeniers romains. Il est venu, il a trouvé le Seigneur. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est gravement malade. Mais Seigneur, je ne suis pas digne que toi tu entres dans ma maison. Mais Seigneur, dis seulement un seul mot et mon serviteur vivra. C'est ça la foi. La foi, c'est une révélation. Imani ni ufunuo. La foi marche avec la révélation. Imani unatembea pamoja na ufunuo. Nous devons abandonner la vie du péché. Unapaswa kuacha maisha ya dhambi. La foi ne marche pas avec l'ignorance. Imani haitembeake pamoja na ujinga. Amen. Amen. Et la sainteté, c'est la vie de tout le monde. Na mutakatifu njo maisha ya mtu wote. Si nous sommes une église qui ne boit pas, c'est-à-dire tous les frères et les sœurs ne peuvent pas boire. Parce que la sainteté, c'est l'affaire de toute l'église. La sainteté, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas de frères et de sœurs qui sont si pères. Qui sont interdoctrines. Bon, je vais vous dire ma fondition. Et peuvent boire, peuvent faire n'importe quoi, et ils sont comme ça. Bon, ben, elles sont comme ça, ou alors, ils sont comme ça. Frère, cela n'existe pas. Abikala keko. Tu dois te conformer à la volonté du Seigneur et marcher selon la parole de Dieu. Il y a des gens pareils. Frère, moi, je ne suis pas hypocrite. Mais si quelqu'un qui m'en a fait, moi-même si les pasteurs me voient, je bois. Mi ataka ma pasteur ananiona, mi nakunywaka. C'est un hypocrite. Huku munafiki wa masula mbili. Si ne comprend rien. Auelewe kitu. Si est comme un corbeau. Huku sawa kunguru. Parce que le corbeau. Joani kunguru. La bonne graine. Mbeko mzuri. Il mange. Anaikulaka. Les charognes. Vya kuosa. Il mange encore. Anavikula tena. Voyez, mais un véritable enfant de Dieu, il est comme une colombe. S'il osait manger quelque chose de faux, cela doit lui gêner. Amen. Amen. C'est-à-dire la sainteté, c'est l'affaire de tout le monde. Imaginez-vous comme je suis venu là. Vous me trouvez avec une petite culotte. Munanikuta na kakaputula kafupi. En cours de route. Mubalabana munanikuta kaputula. En cinglé. Na kasenglé. Avec l'essuie au cou. Na essuie-mé mushingo. Que je pars laver à la rivière. Nanze kuenda kumutoni. Est-ce que tu auras le courage? Et utakuwa na ile nguvu? De me présenter, ya kunionesha kubantu, que cet homme ici, ya kwamba huyu mtu huyu, c'est notre pasteur qui est venu de Dilolo. Ni pastori wetu la natokea ku Dilolo. Mais tu auras quand même honte. Si utashikia haya. Comment est-ce que le pasteur peut se comporter? Eti, namna gani pasteur anaweza kujiongoza mwina mungu. Frère, si c'est une honte pour le pasteur, ndugu kama ni haya kwa pastori, aussi une honte pour toi. Manake itakuwa tena haya na kwako wewe kama unafanya. Si tu le faisais, kama ukibifanya, huko na tukwarisha. Parce que la sainteté, c'est l'affaire de tout le monde. Tous nous devons vivre une vie de pureté de la parole. Le Seigneur vient bientôt. Il vient prendre une église sans tâche. Ni ride, ni rien de semblable. Vivez la parole de Dieu. Le Seigneur vous aimera. La Bible nous dit, errez les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est marcher dans la sainteté. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous devons combattre pour la foi. Amen. Amen.